Chapitre 4. Le père, Priam. Du caractère de l'époux, passons à celui du père. Considérons la paternité dans les deux positions les plus sublimes et les plus touchantes de la vie, la vieillesse et le malheur. Priam, ce monarque, tombé du sommet de la gloire et dont les grands de la terre avaient recherché les faveurs dum fortuna fuit. Priam, les cheveux souillés de cendres, le visage baigné de pleurs, seul au milieu de la nuit, a pénétré dans le camp des Grecs. Humilié aux genoux de l'impitoyable Achille, baisant les mains terribles, les mains dévorantes, qui dévorent les hommes, qui fumèrent tant de fois du sang de ses fils, il redemande le corps de son Hector. Souvenez-vous de votre père, ô Achille, semblable aux dieux. Il est courbé comme moi, sous le poids des années, et comme moi, il touche au dernier terme de la vieillesse. Peut-être en ce moment même est-il accablé par de puissants voisins, sans avoir auprès de lui personne pour le défendre. Et cependant, lorsqu'il apprend que vous vivez, il se réjouit dans son cœur. Chaque jour, il espère revoir son fils de retour de Troie. Mais moi, le plus infortuné des pères, de tant de fils que je comptais dans la grande Ilion, je ne crois pas qu'un seul me soit resté. J'en avais 50 quand les Grecs descendirent sur ces rivages. 19 étaient sortis des mêmes entrailles. Différentes captives m'avaient donné les autres. La plupart ont fléchi sous le cruel Mars. Il y en avait un qui, seul, défendait ses frères et Troie. Vous venez de le tuer, combattant pour sa patrie. Hector, c'est pour lui que je viens à la flotte des Grecs. Je viens racheter son corps, et je vous apporte une immense rançon. Respectez les dieux, ô Achille, ayez pitié de moi. Souvenez-vous de votre père. Oh, combien je suis malheureux. Nul infortuné n'a jamais été réduit à cet excès de misère. Je baise les mains qui ont tué mes fils. Que de beauté dans cette prière! Quelle scène étalée aux yeux du lecteur! La nuit, la tante d'Achille, ce héros pleurant Patrocle auprès du fidèle Automédon, Priam, apparaissant au milieu des ombres et se précipitant aux pieds du fils de Pélée, là sont arrêtés, dans les ténèbres, les chars qui apportent les présents du souverain de Troie, et à quelque distance, les restes défigurés du généreux Hector sont abandonnés, sans honneur, sur le rivage de l'Hélépon. Étudiez le discours de Priam. Vous verrez que le second mot prononcé par l'infortuné monarque est celui de père. La seconde pensée dans le même vers est un éloge pour l'orgueilleux Achille. Achille, semblable aux dieux. Priam doit se faire une grande violence pour parler ainsi au meurtrier d'Hector. Il y a une profonde connaissance du cœur humain dans tout cela. Le souvenir le plus tendre que l'on put offrir au fils de Pélée, après lui avoir rappelé son père, était sans doute l'âge de ce même père. Jusque-là, Priam n'a pas encore osé dire un mot de lui-même. Mais soudain se présente un rapport qu'il saisit avec une simplicité touchante. « Comme moi, » dit-il. Il touche au dernier terme de la vieillesse. Ainsi, Priam ne parle encore de lui qu'en se confondant avec Pélée. Il force Achille à ne voir que son propre père dans un roi suppliant et malheureux. L'image du délaissement du vieux monarque peut être accablée par de puissants voisins. Pendant l'absence de son fils, la peinture de ses chagrins, soudainement oubliée, lorsqu'il apprend que ce fils est plein de vie. Enfin, cette comparaison des peines passagères de Pélée, avec les maux irréparables de Priam, offrent un mélange admirable de douleur, d'adresse, de bienséance et de dignité. Avec quelle respectable et sainte habileté le vieillard d'Ilion n'amène-t-il pas ensuite le superbe Achille jusqu'à écouter paisiblement l'éloge même d'Hector? D'abord, il se garde bien de nommer le héros troyen, il dit seulement « il y en avait un ». Et il ne nomme Hector à son vainqueur qu'après lui avoir dit qu'il l'a tué combattant pour la patrie. Il ajoute alors le simple mot « Hector ». Il est remarquable que ce nom isolé n'est pas même compris dans la période poétique. Il est rejeté au commencement d'un vers, où il coupe la mesure, suspend l'esprit et l'oreille, forme un sens complet. Il ne tient en rien à ce qui suit. Ainsi, le fils de Pélée se souvient de sa vengeance avant de se rappeler son ennemi. Cyprien eut d'abord nommé Hector. Achille eut songé à Patrocle. Mais ce n'est plus Hector qu'on lui présente. C'est un cadavre déchiré. Ce sont de misérables restes livrés aux chiens et aux vautours. Encore ne les lui montre-t-on qu'avec une excuse. Il combattait pour la patrie. L'orgueil d'Achille est satisfait d'avoir triomphé d'un héros qui seul défendait ses frères et les murs de Troie. Enfin, Priam, après avoir parlé des hommes au fils de Thétis, lui rappelle les justes, Dieu, et il le ramène une dernière fois au souvenir de Pélée. Le trait qui termine la prière du monarque d'Ilion est du plus haut sublime dans le genre pathétique. Chapitre 5. Suite du père Lusignan. Nous trouverons dans Zaïre un père à opposer à Priam. À la vérité, les deux scènes ne se peuvent comparer, ni pour la composition, ni pour la force du dessin, ni pour la beauté de la poésie. Mais le triomphe du christianisme n'en sera que plus grand, puisque lui seul, par le charme de ses souvenirs, peut lutter contre tout le génie d'Homère. Voltaire lui-même ne se défend pas d'avoir cherché son succès dans la puissance de ce charme, puisqu'il écrit, en parlant de Zaïre, « Je tâcherai de jeter dans cet ouvrage tout ce que la religion chrétienne semble avoir de plus pathétique et de plus intéressant. » Un antique croisé, chargé de malheur et de gloire, le vieux Lusignan, resté fidèle à sa religion au fond des cachots, supplie une jeune fille amoureuse d'écouter la voix du Dieu de ses pères. Scène merveilleuse dont le ressort gît tout entier dans la morale évangélique et dans les sentiments chrétiens. Mon Dieu, j'ai combattu 60 ans pour ta gloire. J'ai vu tomber ton temple et périr ta mémoire. Dans un cachot affreux, abandonné 20 ans, mes larmes t'imploraient pour mes tristes enfants. Et lorsque ma famille est par toi réunie, quand je trouve une fille, elle est ton ennemi. Je suis bien malheureux. C'est ton père, c'est moi, c'est ma seule prison qui t'a ravi ta foi. Ma fille, tendre objet de mes dernières peines, songe au moins, songe au sang qui coule dans tes veines. C'est le sang de 20 rois, tous chrétiens comme moi. C'est le sang des héros, défenseur de ma loi. C'est le sang des martyrs. Ô fille encore trop chère, connais-tu ton destin? Sais-tu quelle est ta mère? Sais-tu bien qu'à l'instant que son flanc mit au jour ce triste et dernier fruit d'un malheureux amour, je la vis massacrée par la main forcenée, par la main des brigands à qui tu t'es donnée? Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux, t'ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieux. Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes, pour toi, pour l'univers, est mort en ces lieux mêmes. En ces lieux où mon bras le servit tant de fois, en ces lieux où son sang te parle par ma voix. Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres. Tout annonce le Dieu qu'ont vengé tes ancêtres. Tourne les yeux. Sa tombe est près de ce palais. C'est ici la montagne où, lavant nos forfaits, il voulut expirer sous les coups de l'impie. C'est là que de sa tombe il rappela sa vie. Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu. Tu n'y peux faire un pas sans y trouver ton Dieu. Et tu n'y peux rester sans renier ton père. Une religion qui fournit de pareilles beautés à son ennemi mériterait pourtant d'être entendu avant d'être condamné. L'Antiquité ne présente rien de cet intérêt, parce qu'elle n'avait pas un pareil culte. Le polythéisme, ne s'opposant point aux passions, ne pouvait amener ces combats intérieurs de l'âme, si communs sous la loi évangélique, et d'où naissent les situations les plus touchantes. Le caractère pathétique du christianisme accroît encore puissamment le charme de la tragédie de Zaïre. Si Lusignan ne rappelait à sa fille que des dieux heureux, les banquets et les joies de l'Olympe, cela serait d'un faible intérêt pour elle, et ne formerait qu'un dur contresens avec les tendres émotions que le poète cherche à exciter. Mais les malheurs de Lusignan, mais son sang, mais ses souffrances, se mêlent aux malheurs, au sang et aux souffrances de Jésus-Christ. Zaïre pourrait-elle renier son Rédempteur au lieu même où il s'est sacrifié pour elle? La cause d'un père et celle d'un Dieu se confondent. Les vieux ans de Lusignan, les tourments des martyrs, deviennent une partie même de l'autorité de la religion. La montagne et le tombeau crient. Ici, tout est tragique. Les lieux, l'homme et la divinité. Chapitre 6. La mer, Andromaque. « Vox in rama a audita est, » dit Jérémie, « ploratus et ulutatus multus, Raquel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt. » Une voix a été entendue sur la montagne, avec des pleurs et beaucoup de gémissements. C'est Rachel pleurant ses fils, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Comme ce « quia non sunt » est beau. Une religion qui a consacré un pareil mot connaît bien le cœur maternel. Le culte de la Vierge et l'amour de Jésus-Christ pour les enfants prouvent assez que l'esprit du christianisme a une tendre sympathie avec le génie des mères. Ici, nous proposons d'ouvrir un nouveau sentier à la critique. Nous chercherons dans les sentiments d'une mère païenne, peinte par un auteur moderne, les traits chrétiens que cet auteur a pu répandre dans son tableau, sans s'en apercevoir lui-même. Pour démontrer l'influence d'une institution morale ou religieuse sur le cœur de l'homme, il n'est pas nécessaire que l'exemple rapporté soit pris à la racine même de cette institution. Il suffit qu'il en décèle le génie. C'est ainsi que l'Élysée, dans le Télémaque, est visiblement un paradis chrétien. Or, les sentiments les plus touchants de l'Andromaque de Racine émanent pour la plupart d'un poète chrétien. L'Andromaque de l'Iliade est plus épouse que mère. Celle d'Euripide a un caractère à la fois rampant et ambitieux qui détruit le caractère maternel. Celle de Virgile est tendre et triste, mais c'est moins encore la mère que l'épouse. La veuve d'Hector ne dit pas « Astyanax ubi est », mais « Hector ubi est ». L'Andromaque de Racine est plus sensible, plus intéressante que l'Andromaque antique. Ce vers si simple et si aimable, « Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui », est le mot d'une femme chrétienne. Cela n'est point dans le goût des Grecs, et encore moins des Romains. L'Andromaque d'Homère gémit sur les malheurs futurs d'Astyanax, mais elle songe à peine à lui dans le présent. La mère, sous notre culte, plus tendre, sans être moins prévoyante, oublie quelquefois ses chagrins en donnant un baiser à son fils. Les anciens n'arrêtaient pas longtemps les yeux sur l'enfance. Il semble qu'ils trouvaient quelque chose de trop naïf dans le langage du berceau. Il n'y a que le Dieu de l'Évangile qui ait osé nommer sans rougir les petits-enfants par Wouli et qui les ait offerts en exemple aux hommes. Et accipiens puerum statuit eum in medio eorum, quem cum complexus esset, hait illis, quisquis unum ex uius modi pueris receperit in nomine meo me recipit. Et ayant pris un petit enfant, il l'assit au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit. » Lorsque la veuve d'Hector dit à ses fils dans Racine qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste, il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Qui ne reconnaît la chrétienne? C'est le « depusuit potentes decede ». L'Antiquité ne parle pas de la sorte, car elle n'imite que les sentiments naturels. Or, les sentiments exprimés dans ces vers de Racine ne sont point purement dans la nature. Ils contredisent au contraire la voix du cœur. Hector ne conseille point à son fils d'avoir de ses aïeux un souvenir modeste. En élevant Astyanax vers le ciel, il s'écrie « Ô Jupiter et vous tous, dieux de l'Olympe, que mon fils règne, comme moi, sur Ilion. Faites qu'il obtienne l'empire entre les guerriers. Quand le voyant revenir chargé des dépouilles de l'ennemi, on s'écrie « Celui-ci est encore plus vaillant que son père. » Aîné, dit à Ascagne, « Ete, animo repetentem exempla tuorum, et pater Aeneas, et avunculus excitet Hector. » À la vérité, l'Andromaque moderne s'exprime à peu près comme Virgile sur les aïeux d'Astyanax. Mais après ce vers, dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté. Elle ajoute « Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. » Or, de tels préceptes sont directement opposés aux cris de l'orgueil. On y voit la nature corrigée, la nature plus belle, la nature évangélique. Cette humilité que le christianisme a répandue dans les sentiments et qui a changé pour nous le rapport des passions, comme nous le dirons bientôt, perce à travers tout le rôle de la moderne Andromaque. Quand la veuve d'Hector dans l'Iliade se représente la destinée qui attend son fils, la peinture qu'elle fait de la future misère d'Astyanax a quelque chose de bas et de honteux. L'humilité dans notre religion est bien loin d'avoir un pareil langage. Elle est aussi noble qu'elle est touchante. Le chrétien se soumet aux conditions les plus dures de la vie. Mais on sent qu'il ne cède que par un principe de vertu, qu'il ne s'abaisse que sous la main de Dieu, et non sous celle des hommes. Il conserve sa dignité dans les fers. Fidèle à son maître sans lâcheté, il méprise des chaînes qu'il ne doit porter qu'un moment, et dont la mort viendra bientôt le délivrer. Il n'estime les choses de la vie que comme des songes, et supporte sa condition sans se plaindre, parce que la liberté et la servitude, la prospérité et le malheur, le diadème et le bonnet de l'esclave, sont peu différents à ses yeux.